la loi prévoit un certain nombre d'exceptions. Autrement dit, il y aura des raisons pour lesquelles l'autorité administrative peut continuer à vous dire « ce document n'est pas pour vous, vous n'avez aucun droit à le consulter ». Si on regarde un peu les exceptions qui se trouvent dans la loi fédérale, il y en a à peu près 8 ou 9 qui permettent, selon des clauses très générales, à l'administration d'occulter des documents. Il y a des exceptions qui sont assez classiques, qu'on comprend fort bien, disons quand même, pour que l'État fonctionne, les documents de type militaire, les documents relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l'État continueront à être secrets, c'est assez évident. De même, les documents qui pourraient mettre en péril les relations internationales, ce qu'on continuera, c'est la diplomatie travaille toujours dans une certaine confidentialité, et ça va continuer. D'autres raisons de secret sont les mesures monétaires ou financières de l'État. Il est clair que si l'État décide d'évaluer le franc suisse ou de le réévaluer, et que si les documents préparatoires étaient accessibles une semaine avant, la mesure n'aurait plus de sens le jour où elle entre en vigueur. Donc vous voyez, ça c'est tout ce genre d'informations qui continueront à être secrètes.